Chapitre 6e. Guet-apens. Mr. Cherubim, citoyen du monde, avait l'optimisme des grands aventuriers. Il professait aussi un souverain mépris pour certaines races, non qu'il eût beaucoup voyagé, mais son contact avec quelques-uns de leurs représentants en Amérique avait suffi à former son opinion. De sorte que le nommé Yakov, choisi pour essayer d'entraîner une seconde fois le gangster au club des Amis de la Liberté, fut tout étonné de trouver chez lui peu de résistance. La vérité est que Mr. Bim éprouvait le plus profond dédain pour tous les Russes. Yakov lui affirma avec chaleur qu'il n'avait absolument rien à craindre de leur part. « Je pense bien, » répondit-il, moqueur, « vous croyez que c'est ça qui m'inquiète ? Non, monsieur, mais je n'aime pas me fourvoyer avec des gens au-dessous de ma condition. » Alors Yakov le pria avec un grand sérieux de bien vouloir honorer l'ensemble de sa présence, ajoutant que cet honneur serait financièrement reconnu. L'argument était de ceux que l'Américain pouvait le mieux comprendre et apprécier. Il accepta sur le champ et suivit Yakov dans la salle étouffante du sous-sol. Les 100 livres qu'on lui avait promises pour quelques renseignements sont toujours bonnes à gagner et Cherubim n'aspirait qu'à les avoir pour secouer de ses souliers la boue d'Angleterre et aller chercher fortune ailleurs. La première chose qu'il remarqua en arrivant fut l'absence de Bulba, le chef, que remplaçait un petit homme pâle à barbe noire hirsute. La seconde fut le silence plein de menaces qui accueillit son entrée. L'homme brun s'appelait Nicolas et s'exprimait parfaitement en anglais. Il lui désigna un siège à sa gauche en disant « Assieds-toi, camarade. Nous t'avons demandé de venir pour te faire une autre proposition. Master Bim, continua Nicolas d'une voix singulièrement monotone, cela ne vous fait-il pas bouillir le sang de voir les tyrans gouverner le monde ?»« Oh, la barbe !» interrompit le gangster. « Rien ne m'a jamais fait bouillir le sang. Je croyais être ici dans un pays de liberté, où le seul tyran à craindre était l'agent qui vous force à circuler. Puisque vous recommencez avec vos histoires, je m'en vais. Ça ne m'intéresse pas du tout. » Il fit mine de sortir, mais Nicolas le retint en disant toujours calme. « Même s'il s'agissait du tsar ?» L'autre resta bouche bée. « Le tsar ? » répéta-t-il en faisant une affreuse grimace. « Qu'est-ce que vous lui voulez ? Est-ce que vous vous chargeriez de le tuer pour 200 livres ?» Cherubim repoussa son chapeau un peu plus en arrière sur sa tête, se leva et avec un grand geste de protestation. « Ça ne colle pas, » déclara-t-il, « c'est tout ce que je peux vous dire. » Mais au lieu de s'en aller, il resta sur place, figé par l'apparition de Serganov qui venait d'entrer, le visage entièrement couvert d'un masque de soie noire. Le prince referma la porte derrière lui, s'avança lentement vers la table. « Depuis 50 ans que je fréquente des cambrioleurs, » dit Bim avec conviction, « je n'ai jamais rencontré quelqu'un ayant une aussi sale tête que ce particulier. Dites donc, monsieur, laissez-nous jeter un coup d'œil sur votre figure, s'il vous plaît. »« Impossible, » répondit celui-ci. « Du reste, cela ne vous servira à rien, car selon toute probabilité, vous n'aurez pas d'autres occasions de me voir. » « Selon toute probabilité, vous ne me reverrez pas non plus, » posta Cherubim, « et pourtant, je vous ai fait l'honneur de me présenter à vous de pied en cap. Qu'importe, vous avez entendu la proposition qu'on vous a faite tout à l'heure. L'homme, qu'en pensez-vous ? » ?»« Je pense que c'est une proposition de fou, » dit le gangster avec mépris. Le prince se mit à rire. « Eh bien, ne nous disputons pas. Nicolas, donne-lui la somme promise. » Nicolas tira de sa poche une liasse de billets de banque que Mr. Bim fit disparaître dans la sienne, mettant en pratique son dicton favori « l'argent n'a pas d'odeur ». Maintenant, mes amis, je reste à votre disposition. Souvenez-vous qu'il n'y a pas dans New York un homme plus fin, plus habile, plus expérimenté que votre serviteur. Le jour où vous me proposerez un travail digne de moi, avec un bon dividende en retour, vous verrez comment je m'en tire. En attendant, continua-t-il aimablement, « j'offre une tournée. Appelez le garçon et commandez-lui ce qu'il y a de meilleur en fait de rafraîchissement. »« Attendez, » dit Serganov. Tous les yeux étaient de nouveau tournés vers la porte qui s'ouvrait doucement, sous la pression d'une main légère. Il y eut une exclamation étouffée dans la salle quand les conjurés virent entrer Irène Yaroslav. En jugé par sa coiffure, le grand manteau de fourrure qu'elle portait devait dissimuler une toilette de soirée. Sans voir l'homme masqué dont un large chapeau abritait la figure, elle demanda « Où est Israël Kensky ?»« Il n'est pas là, » dit Serganov. Elle fit 2 pas en avant et joignant les mains. « Que signifie cela ? Pourquoi êtes-vous ici? C'est... Chut! Pas de nom propre, Irène. Il craignait que parmi ces hommes, quelques-uns eussent de graves raisons de le haïr. Que faites-vous ici? Répéta-t-elle. Où est Israël Kensky? Il n'est pas venu, vous dis-je. Et comme la grande duchesse se retournait pour sortir, il la précéda et s'adossa contre la porte. « Quelle insolence ! » s'écria-t-elle avec hauteur. « J'ai reçu une lettre d'Israël Kensky me disant de venir le rejoindre dans cette maison pour apprendre la vérité sur le complot dirigé contre mon père. » Le prince, dont les mains tremblaient, se mit à rire avec ironie. « C'est moi l'auteur de cette lettre, Irène. Je désirais particulièrement vous voir ici ce soir. »« Vous le paierez, » dit-elle. Il essayait de le repousser, mais il la saisit et la maintint de force. Alors, tournant ce visage enflammé vers les hommes, « Êtes-vous donc des lâches pour laisser brutaliser une femme sous vos yeux? Ce monstre trahit mon père et vous trahira à votre tour. » Elle s'exprimait en russe, mais personne ne bougea. « Parlez anglais, miss, » dit quelqu'un. Elle jeta un regard reconnaissant vers le drôle d'individu coiffé d'un chapeau melon qui lui donnait ce conseil et dont le sourire jovial l'encouragea. J'ai été attiré dans ce guet-apens par une ruse infâme, expliqua-t-elle haletante. Aidez-moi à en sortir, je vous en prie. Vous êtes anglais, n'est-ce pas? Américain, miss, et tout prêt à être votre chevalier servant. Arrêtez, dit rudement Serganov en braquant son revolver sur Cheribim, qui leva immédiatement les mains. Ne vous mêlez pas de cette affaire. Vous aurez encore de quoi vous occuper avant la fin de la soirée. Irène, suivez-moi. Il l'entraîna vers une petite porte percée dans le mur que l'on aurait prise pour un placard, mais qui servait en réalité de sortie de secours en cas de danger. Le prince, à qui on avait donné la clé, se hâta de l'ouvrir, puis saisit de nouveau le poignet d'Irène Yaroslav, sans cesser de diriger son revolver sur Mr. Bim. « Au secours ! » cria la grande duchesse, se voyant perdue. « Cet homme est Serganov, le chef de la police à Saint-Pétersbourg. » Il eut un grand fracas, des pas précipités, et une voix cria dans le couloir extérieur. « La police !» Déjà, la porte dérobée s'était refermée sur eux. Ils traversèrent une petite cave encombrée de barils, montèrent quelques marches et débouchèrent dans une chambre assez exiguë qui devait servir de cabinet particulier. Serganov y poussa la jeune fille devant lui. Cette pièce se trouvait de plein pied avec le restaurant, puisqu'on entendait le cliquetis des fourchettes à travers la cloison. Mais les volets étant clos, il était impossible de savoir si elle donnait sur la façade de Silver Lion ou sur la rue de Traverse. Le prince donna tranquillement deux tours de clé à la porte, puis se tourna vers sa cousine et arracha son masque. « J'étais sûr que vous me reconnaîtriez, » dit-il froidement. « Allez-vous continuer à m'outrager, colonel? Encore une fois, vous m'impairez cela. »« Calmez-vous, Irène. Il y aura en effet bien des comptes à régler entre nous. Reconnaissez au moins... » que je viens de vous sauver du déshonneur, car au moment où je vous ai fait sortir de la salle, la police y arrivait pour opérer une rafle. Sans vous, je n'aurais pas été dans la salle. Mon père, c'est justement de votre père que je voulais vous parler. Écoutez-moi, Irène, je suis le seul héritier du grand-duc, et en dehors de quelques propriétés qui vous sont déjà destinées, vous n'aurez rien. Mon affection pour vous est connue et approuvée à la cour, et votre affection... interrompit-elle avec amertume. « J'aimerais mieux avoir celle d'un loup. »« La ressemblance est peut-être plus grande que vous ne pensez, » riposta Serganov avec un sourire ambigu. « Savez-vous ce qu'on apprendra demain ?» La police a fait une rafle dans un club, et parmi les anarchistes occupés à conspirer contre la monarchie se trouvait la grande duchesse Irène Yaroslav. Irène, comprenant le retentissement qu'aurait paré scandale s'il était livré au public et sachant que son père n'était déjà pas très bien vu à la cour, fut épouvantée des conséquences de son acte. « C'est par trahison que j'ai été amené dans ce club, » dit-elle avec fermeté, « et la lettre que j'ai reçue, signée d'Israël Kensky, je vous ai déjà dit qu'elle était de moi. C'est vous aussi sans doute qui aviez organisé la descente de police, en effet, et dans des conditions particulièrement heureuses, » avoua-t-il. Cynique. Le gentleman qui vous a offert d'être votre chevalier servant est un redoutable gangster de New York, recherché par la police, et j'espère coffré en ce moment. On l'a attiré dans cette réunion pour lui offrir de tuer le tsar, moyennant une grosse somme. Irène poussa un gémissement. Vous voyez, ma petite cousine, que les choses iront mal pour la famille Yaroslav quand ce bandit fera sa déposition au tribunal. Alors, que me proposez-vous? Il y a deux solutions. La première est que je vous remette entre les mains des policemen. La seconde, que vous engagiez solennellement à m'épouser, et dans ce cas, je vous fais immédiatement sortir d'ici. » Elle réfléchit un moment. « Y a-t-il une troisième hypothèse ?» Serganov secoua la tête. Tcheribim, en chaussettes, était en train de monter l'escalier avec des précautions de Sioux. Avant que les agents eussent envahi la salle, il avait fait sauter un plomb et, profitant de l'obscurité, s'était glissé à la suite des deux fugitifs. Arrivé sur le palier, il entendit la voix de Serganov et s'arrêta pour écouter. Puis, tirant doucement de sa poche une pince, il saisit le bout de la clé qui dépassait un peu la serrure et la tourna lentement. Ensuite, son colt au poing, il attendit. « Maintenant, Irène, disait le prince, il faut vous décider. Les policemen vont fouiller la maison de fond en comble, ils peuvent être là d'une minute à l'autre. Je puis leur dire soit que vous êtes venu pour assister à une rafle, soit que je vous ai arrêté au moment où vous alliez vous enfuir. Que choisissez-vous ? » Irène ne répondit rien. Elle manœuvrait de façon à s'emparer du revolver que son cousin avait posé sur la table. Mais, devinant son intention, il s'élança, la prit par la taille et la rejeta en arrière. « Il me sera plus utile qu'à vous, belle cousine. »« Je te crois, » dit une voix gouailleuse derrière lui. Serganov se retourna comme un chat et tira. La riposte du bandit fut si prompte que la jeune fille, horrifiée, n'entendit qu'une détonation. Elle vit Tcheribim porter la main à sa joue dont le sang coulait, et le mur troué par la balle à la hauteur de sa tête. Serganov poussa une sorte de grognement et s'affaissa sur la table. Sans regarder davantage, elle obéit au geste impératif du petit homme, lui désignant l'escalier. « En bas, vous avez une sortie sur la rue. Sauvez-vous, miss, autrement les boules vous auront. » Irène ne demanda pas d'explication et vola plutôt qu'elle ne descendit. Ses mains tremblantes poussèrent le verrou de la porte et elle se trouva dans la rue. Seuls deux hommes y faisaient les 100 pas. L'un d'eux vint à elle, les bras ouverts. « C'est vous. Dieu soit loué, j'ai eu si peur. Vous n'étiez pas avec ces gredins, n'est-ce pas ?» L'émotion de Malcolm le rendait incohérent, et sa question fit sourire le détective, qui savait que cette porte donnait accès à un cabinet particulier. « Emmenez-moi, » dit-elle défaillante. Malcolm l'entoura de son bras pour la soutenir, et à l'encontre de ce qu'il redoutait, le policier ne les ayant pas retenus, ils arrêtèrent un taxi. « Donnez l'adresse d'Israël Kensky, » murmura la grande-duchesse en tombant sur les coussins de la voiture. « Je ne puis rentrer à l'hôtel dans l'état où je suis. » Lorsqu'il eut transmis les instructions au chauffeur et fut monté auprès d'elle, « Je vous suis reconnaissante de ce que vous faites, Master Hay, » dit-elle avec douceur et couvrant son visage de ses mains. « C'était affreux, affreux. » « Que s'est-il passé ? » Irène secoua la tête et brusquement reprit. « Il vaut mieux que je rentre décidément, car à cette heure-ci, j'ai les chances de regagner mon appartement sans être vu par Bulba. » « Vous voudrez bien aller chez Israël à ma place et lui raconter ?» Docilement, il se pencha à la portière et prévint le chauffeur du changement de destination. Lorsqu'ils arrivèrent à l'hôtel, la plupart des clients étaient encore à la salle à manger ou déjà au théâtre. Cependant, Malcolm, inquiet, dit à sa compagne « Puis-je vraiment vous laisser ainsi ?» Elle sourit, en dépit de sa détresse. « Écoutez, ma chambre donne sur cette façade. Si j'arrive sans encombre, j'agiterai mon mouchoir avant de fermer les persiennes. » Malcolm attendit anxieusement dans la rue jusqu'à ce qu'il eût vu trois fenêtres s'éclairer et la silhouette d'Irène Yaroslav se pencher pour faire le signal convenu. Alors, il remonta en taxi et se fit conduire à Maida Vale, en se disant que les romans ne sont pas toujours des fictions. À sa surprise, il trouva le juif déjà au courant de ce qui s'était passé au Silver Lion. Est-elle en lieu sûr ? Est-elle en lieu sûr ? Répétait-il d'une voix tremblante. « Béni soit Jéhovah. Je craignais quelque malheur. Son Altesse m'avait écrit cet après-midi. La lettre a été interceptée et ils l'ont tendu un piège là-bas. Ah, les démons ! Heureusement, » ajouta-t-il en tisonnant son feu, « il y en a un qui ne nous ennuiera plus. Lequel ? Serganov, » répondit le vieux bonhomme avec satisfaction. Quand la police l'a découvert, il était mort. Et l'Américain ? On n'a arrêté que des Russes. Celui-là, nous ne le reverrons sans doute jamais.